super Dragon Ball super Son Goku est de retour. Dragon Ball super Dragon Ball super pour vous jouer un mauvais tour. Comme s'il n'était pas encore assez balèze, il devient Saiyan God et puis bleu. Fight son double et met son vers en jeu. Dans un animé moyen mais qui démonte bien vers la fin. Sakura, Kirkap, la loli rechasse des cartes. Sakura, Kirkap, Sakura, Kirkap, pour faire un nouveau départ, pour retrouver des nouvelles cartes magiques à travers la ville tout entière. Shaolin et Tomoyo derrière. Mais il repasse par là juste pour avoir des oreilles de chat. Miaou! Sailor Moon, Crystal, Sailor Moon, Crystal, elles reviennent encore une fois. Sailor Moon, Crystal, Sailor Moon, Crystal, car le mal est toujours là. Dans un remake sans HS et moins comique, l'intrigue avance plus vite que Sonic. Les musiques sont devenues plus lyriques. Mais quel pied de retrouver nos sœurs guerrières adorées. Tsubasa, Captain Tsubasa, le roi du foot fait son comeback. Captain Tsubasa, Captain Tsubasa, Nankatsu repart à l'attaque pour regagner la belle coupe de leur contrée. À travers tous les stades du Japon, partage leur passion du ballon rond. Ils seront toujours meilleurs que Paris en Ligue des Champions. Ça sera quoi après? Tu vas pas tous nous les faire non plus.